Viviane a les yeux qui brillent comme deux étoiles ivres. Viviane a les yeux qui brillent de ce chagrin sans pluie. Viviane a mal quand Eric crie, alors elle mange les nuages. Son corps gonfle tout en plis de cotonne cumulus. Et comme Eric crie encore, elle continue à vider le ciel et à grossir d'orages et de tempêtes et à faire briller ses yeux comme deux étoiles. Ivre. Viviane a une douce nonchalance comme d'immenses champs de blé, lassée de brûler au soleil. Viviane a une douce nonchalance, mais parfois sa voix éclate d'un joli rire soprano. Viviane a une douce nonchalance, mais on voit briller ses yeux comme deux étoiles immenses.